que c'est que ce bar? Qu'est-ce que c'est que ce bar? Je sais que c'est le bar du Bon Accueil, mais de là qu'il y ait trois barman, je vais m'adresser à celui du milieu. Il n'y a pas de client, il y a trois barman. Barman, donnez-moi un rouge, s'il vous plaît. Mais monsieur, ça n'est pas possible, ça. Hein? Il y a 15 ans que je suis barman, j'ai vu des clients qui titubaient, mais comme vous, jamais, monsieur. Hein? Là, vous apprendrez, monsieur, qu'ici, il n'y a pas trois barman. Mais il n'y en a qu'un seul, hein? Savez-vous ça? Il ne faut pas vous énerver pour ça. Barman tout seul. Donnez-moi trois rouges. Mais monsieur, je vous dis que ce n'est pas possible, hein? Ce serait contre l'humanité de faire ça. Hein? Je peux pas servir un rouge à quelqu'un qui est complètement noir. Monsieur, vous dites, monsieur, vous êtes noir. Et c'est pour ça que vous ne voulez pas me servir. Vous êtes raciste. Bon, ça n'a aucun rapport avec le racisme, monsieur. Vous êtes là, vous titubez, vous croyez voir trois barman, etc. Je peux pas servir quelqu'un qui est noir. Et qu'est-ce qui vous en fait, les Sénégalais? Parce que moi, je suis même plus que Sénégalais. Je suis Dakarois. Je suis né à Dakar. Mon papa et ma maman, ils sont de Limoges. Mais mon papa, sans le faire exprès, était fonctionnaire à Dakar. Alors que je suis né à Dakar, à 20 ans, on m'a dit qu'il fallait opter pour la nationalité. Ah, j'ai dit, je suis bien, moi, à Dakar. Pourquoi que je changerais? Alors j'ai opté pour le pays là où j'étais. C'est que je suis sénégalais. Mais c'est impossible de voir un homme qui tutube comme ça, qui dit des bêtises, et c'est plus ce qu'il dit, hein, c'est pas possible. Hein. J'ai vu des gens sous et ivres, hein, mais comme ça, jamais. Hein. Mais monsieur, vous ne pouvez pas être sénégalais, hein? Et pourquoi? Ben vous êtes pas noir. Faudrait savoir ce que vous dites. Il y a une minute, vous m'avez dit, je peux pas vous servir un rouge, parce que... Foutez-moi la paix, monsieur. Hein. J'ai une tête comme ça avec vous. Hein. Je vous prie de partir immédiatement, parce que moi, je vais sauter le bar. Je vous foutre un coup de tête sur votre tête, hein, puis vous allez être tranquille. Hein. Vous apprendrez que les Sénégalais sont pacifistes. Je vais m'en aller. Si vous voulez pas me servir, vous m'en allez. Oh, mais il y a des azous dans le manque. Je vais m'en aller. Oh, pardon, monsieur. Oh, ben vous. Ben vous pouvez repartir en courant. Voilà. Ah bon, on vous servira pas, voilà. Vous êtes un homme de couleur, voilà. Vous êtes noir comme de l'ébène, hein. Ben vous allez me foutre la paix, vous, monsieur. Vous n'allez pas empêcher d'entrer les clients ici, hein. Et dites-donc, j'ai le droit de vous dire, moi, le Sénégalais que je suis, et j'aime autant vous dire qu'à votre accent, on sent que vous n'êtes pas de Paris, vous, hein. Non, monsieur, je suis de Marseille. Hein. Vous avez intérêt à le dire. Dites-donc, toi, il y en a d'où, toi? Toi, il y en a Sénégal? Toi, il y en a tout noir. Toi, il y en a de Congo. Toi, il y en a Brazzaville. Ou toi, il y en a Tananarive ou Tamatave. Moi, je suis de Genève. Toi, il y en a de Genève. Et toi, il y en a quoi faire, toi, Genève? Moi, je suis professeur de français à l'université de Genève. Oh, ben... Hein. Toi, il y en a pas bête, alors? Mais c'est curieux, toi, tout noir, tu sois de Genève. Oh, je mens un peu, je suis pas tellement de Genève, je suis un homme de couleur, c'est exact. Mais enfin, je suis pas tellement né à Genève, je travaille à Genève, mais je suis né dans le canton de Vaud, voyez-vous, entre Lausanne et Neuchâtel, dans un petit village. Oh, ben, Nina. Dis donc, vous allez partir un peu de ce bar, vous, hein. Vous commencez à me porter sur le système, hein, vous êtes carrousel, vous, hein. Monsieur, vous qui êtes un homme de couleur, qu'est-ce que vous voulez boire? Un blanc. Et vous allez le servir? Oui, monsieur. C'est pas beau, ça. Alors, moi qui suis blanc, il veut pas me servir un rouge sous prétexte que je suis noir. Et monsieur qui est noir, il lui sert un blanc. Je savais bien que vous étiez raciste.